Chapitre 32, page 221. Exercice 4. 1. Il prétend que c'est à cause de la préparation de ses examens qu'il n'a pas le temps de te téléphoner ? Tu parles, ce n'est pas une excuse. 2. Mon collègue a donné sa démission. Du coup, je vais me retrouver seul pour tout faire et en plus, je risque de recevoir un blâme de mon chef. 3. Tu as choisi la couleur de ta voiture ? Non, et d'ailleurs, cela m'est complètement égal. 4. C'est grâce à Benoît que Louise a pu payer ses dettes. Il l'a sortie d'un mauvais pas et elle lui en est très reconnaissante. 5. Cette décision est l'élément fondamental du programme politique du gouvernement.